Bonsoir à vous, chers auditeurs, auditrices. Bienvenue à l'écoute de ce journal. Sur le menu, reprise l'après-midi de ce dimanche, la circulation sur la route nationale 3 tronçon Lumongue-Nyanzalac, coupée au niveau de la rivière Guitotoué depuis ce samedi. Les passagers qui avaient vu le ticket de transport augmenter se réjouissent de la situation. Et les habitants de la province Kayanza demandent que les semences hybrides du maïs soient multipliées localement au Burundi au lieu de les importer à l'étranger. Le ministre de l'Intérieur a indiqué que bientôt des opérateurs économiques burundais les multiplieront. C'était lors d'une réunion d'évaluation des réalisations de l'an 2023 de cette province. Sur le menu également, certaines structures sanitaires présentent certains défis comme le manque des matériels et des médicaments dits de spécialité, déplore le chargé de la communication au sein du cadre d'expression des malades au Burundi, c'est Mabou. C'est au moment où, le 11 février chaque année, le monde célèbre la journée dédiée aux malades, vous l'entendrez. Et pour la chronique nutrition, on vous parlera de l'utilité du céleri. Voilà pour le sommaire. Doré Bingabile, je suis à la présentation. Eric Wimana sur la mise en onde. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. La route nationale numéro 3, tronçon Lumongue-Nyanzalac, coupée au niveau de la rivière Guitotoué en commune et province Lumongue depuis ce samedi soir, passe de nouveau depuis l'après-midi de ce dimanche. Les usagers de cette route s'en réjouissent, mais redoutent de la résistance des aménagements effectués en cas de nouvelles intempéries. Ils demandent leur renforcement. Le directeur général de l'agence routière du Burundi indique que le renforcement de ces aménagements va se poursuivre même ce lundi. Jean-Pierre Missab. Depuis 13h47 de ce dimanche, les véhicules bloqués de part à d'autre de la rivière Guitotoué. Depuis ce samedi soir, suite à la coupure de la route Lumongue-Nyanzalac à ce niveau, pouvaient de nouveau passer. Les usagers de cette route qui avaient vu le ticket de transport par passager augmenter de 2000 à 3000 francs burundais, plus les frais de transport de marchandises et des personnes pour franchir ce point critique, s'en réjouissent, mais redoutent de la résistance de ces travaux effectués par l'entreprise Chico aux prochaines intempéries, puisque selon eux, aucun compacteur n'a été engagé dans ces travaux. Ils demandent que ces travaux soient renforcés. Lieutenant-colonel Constantin Wigirimana, directeur général de l'agence routière du Burundi, présent sur les lieux ce dimanche matin, dit qu'il s'agit d'un aménagement provisoire, mais que des travaux de renforcement de l'infrastructure devront se poursuivre ce lundi. Alors que l'administrateur communal de Lumongue plaidait pour la réhabilitation d'une piste de contour dans ce genre de situation, le directeur général de l'ARB trouve plutôt qu'il y faut inscrire dans les priorités l'aménagement du pont sur la rivière Guitotoué si les travaux de réhabilitation de la RN3 tronçon Lumongue-Nyanzalac au point mort, cela fait bientôt une année, venait à reprendre. Il est prévu que le ministre ayant les infrastructures dans ses attributions lance officiellement ce lundi les travaux de la nouvelle mission de contrôle selon l'agence routière du Burundi. Jean-Pierre Misago, depuis la rivière Guitotoué à Karonda, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Cap maintenant sur la province Kayanza, où les habitants demandent que les semences hybrides du maïs soient multipliées localement au Burundi au lieu de les importer à l'étranger. Martin Niteletse, le ministre de l'Intérieur et du Développement communautaire, indique que bientôt des opérateurs économiques burundais multiplieront ces semences dans le pays. Cela a été dit lors d'une réunion d'évaluation des réalisations de l'an 2023 avec les natifs de cette province ce samedi. En ce qui concerne le projet de l'achat de Kayanza Airlines, le gouvernement de la province Kayanza, Lemichi Shahayo, a expliqué que le projet a été saboté par, je cite, des Burundis mal intentionnés. Patrick Nsengiyumba. Dans cette réunion d'évaluation des réalisations de l'an 2023 tenue ce samedi par les natifs de la province Kayanza, plus d'un parmi les participants se sont dit se réjouir de l'augmentation de la production du maïs dans cette province, surtout pour la saison culturelle C. Toutefois, un des participants a soumis ses inquiétudes selon lesquelles, dans les jours à venir, si rien n'est fait pour multiplier au Burundi les semences hybrides du maïs qui sont aujourd'hui importées, les agriculteurs pourront les manquer. Un autre a demandé qu'il y ait une politique agricole à long terme afin de permettre à la population l'augmentation de la production agricole. À cette question des semences hybrides du maïs, Martin Itter, c'est le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, a fait savoir que la majorité des semences hybrides semées au Burundi sont importées en Zambie, mais que le Burundi a déjà planifié comment les mêmes semences seront multipliées les jours à venir par des opérateurs économiques burundais. Daniel Gelazendabilabe, lui, le président de l'Assemblée nationale du Burundi, de son côté, a suggéré la mise en commun des terres cultivables pour améliorer le secteur agropastoral. Les habitants de la province Kayanza ont saisi cette occasion de la réunion des natifs pour demander aux autorités provinciales à Kayanza où l'on est avec le projet d'achat de l'avion de la province Kayanza. À cette question-là, le gouverneur de la province Kayanza, Rémi Chishayo, a indiqué que le projet a été saboté, mais qu'avec la nouvelle province Butanyele, l'avion sera acheté. Au terme de la réunion, les natifs de la province Kayanza ont dit que pour les projets d'avenir, celui de la plantation des avocatiers à exporter est parmi les projets qui sont phares. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci Patrick Nsengiyumva. Après une courte pause, on continue cette édition dans la province Kitega. Isanganiro, la radio de l'avenir. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro. En ligne, c'est sur www.isanganiro.org. Et vous pouvez également nous suivre sur nos plateformes sociales. Sur Facebook, c'est Radio Télévision Isanganiro RTI. Et sur X, c'est RT Isanganiro. Dans la suite de cette édition, environ un tiers des champs de culture du riz, du marais, de l'Ugozoué, de la colline Gitongo, en commune Mutaho, et du marais, de la rivière Mubaradi, côté commune Mutaho et côté commune Bugendana, partout sur la province Kitega, ont été endommagés par des inondations consécutives aux récentes pluies diluviennes. Certains riziculteurs ont opté de repiquer de nouveaux plants de riz. Les riziculteurs, dont les champs ont été détruits, demandent une assistance vivrière de la part de l'État et des bienfaiteurs variés, craignant une probable famine liée au manque de récolte de riz. Reportage de Gérard Nibikira. Ces riziculteurs déplorent la destruction de leurs champs de riz situés dans les marais de la rivière Ruguzwe au niveau de la colline Gitongo de la commune Mutaho et de la rivière Mubarazi qui traverse les communes Mutaho et Bugendana. Comme l'expliquent ces riziculteurs et comme ça se voit à l'œil nu, les inondations ont déposé des tas de boue sur de jeunes plants de riz repiqués vers la fin de l'année dernière et qui ne sont plus visibles. Ainsi, un riziculteur parle de 4/5 de ces champs détruits. Un autre dit que la totalité de tous ces trois champs de riz ont été détruits. D'autres parlent d'un champ ou d'une partie de champ détruit, ainsi de suite. Cela étant, certains riziculteurs disent qu'ils ont opté pour repiquer ces jours-ci de nouveaux plants de riz dans les champs de riz déjà détruits et qui contenaient des plants de riz repiqués en décembre dernier, sans toutefois beaucoup espérer de bonnes récoltes. Ces riziculteurs dont les champs de riz ont été inondés et détruits demandent à l'État et aux bienfaiteurs variés de songer à leur offrir une assistance vivrière pour échapper à une probable famine qui pourrait les frapper pendant la saison sèche prochaine, alors qu'ils avaient semé du riz prévu pour être consommé pendant cette période. Ils demandent aussi aux techniciens en matière d'aménagement des marais d'aider à aménager la rivière Mubarazi qui, selon eux, est pleine de sable et consécutivement, les ondes de pluie débordent et inondent tous les champs de culture situés dans son lit. Ils demandent en même temps d'aménager la rivière Ruguzwe qui elle aussi déborde et détruit les champs de culture quand il pleut. Et approximativement un tiers des champs de culture de riz, des marais, des rivières Mubarazi et Ruguzwe sont déjà détruits par les inondations et dépôts de la boue. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. Et c'est environ un tiers des champs de culture du riz, du marais, de Ruguzwe, non Ruguzwe comme je vous le disais. Je vous l'avais annoncé dans les titres. Il s'observe toujours des manquements dans certaines structures de soins de santé, tant publiques que privées. Propos de Sylvain Habanabaki, déchargé de la communication au sein du cadre d'expression des malades au Burundi, c'est Mabou. Il s'exprime au moment où le 11 février de chaque année est une journée dédiée aux malades. Selon lui, cette journée arrive alors que certaines structures sanitaires présentent certains défis comme le manque des matériels et des médicaments dits de spécialité. Le CEMABU demande la traduction et la sensibilisation du recueil descriptif des droits des patients et prestataires de la santé. Suivez-le, il est au micro de Lydie Garimbari. La journée dédiée aux malades est célébrée au Burundi au mois où le SEMAPU voit encore des manquements dans certaines structures de soins de santé, tant publics que privés. Ici, le SEMAPU n'hésitera pas à citer un mauvais accueil, de tel point que certains patients ne sont pas reçus et sont transférés ailleurs sans que la structure qui réfère le patient entre en contact avec la structure de santé supposée capable de le recevoir, ce qui est dangereux pour la santé du malade. Cette journée dédiée aux malades arrive également au moment où certains agents des pharmacies de la mutuelle refusent de servir les affiliés les médicaments de spécialité prescrits par les médecins sur présentation des bons. Mais s'ils payent cash, ces médicaments deviennent trouvables. Autre défi à soulever à cette journée, c'est le manque de matériel moderne dans plusieurs hôpitaux et les malades sont obligés de se rendre à l'étranger. Également, on ne terminera pas sans toutefois signaler que le projet initié par l'hôpital de la République stipula que chaque commune ait un hôpital n'est pas assez satisfaisant car il n'y a pas d'infrastructures suffisantes. Il y a toujours un nombre insuffisant de médecins et de matériels sont jusqu'à présent constatés. Mais le SEMAPU se réjouit de la signature du recueil descriptif des droits et devoirs des patients et des prestataires des services de soins de santé par le président de la République et demande la traduction à langue nationale ainsi que la sensibilisation. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Le céleri présente une teneur notable en potassium, sa richesse en vitamines et en minéraux qui lui confère un intérêt pour réguler la tension artérielle, favorise l'élimination des toxines. Le céleri est très utile pour les personnes atteintes de diabète qui sont plus susceptibles de développer une rétention d'eau et une hypertension artérielle. Selon Jean-Paul Winneza, chercheur nutritionniste, boire du jus de céleri régulièrement permet de prévenir les causes de l'acné et améliore le grain et la qualité de la peau. Nutrition avec Jean-Marie Mayonga. Dernièrement, on vous a parlé des bienfaits des céréries au niveau de notre santé. Dans la chronique nutrition de ce dimanche, le chercheur nutritionniste Jean-Paul Winneza va nous parler des céréries encore en expliquant que le céleri aide dans l'élimination des acides à travers les urines. Jean-Paul Winneza signale également que ce légume neutralise l'excès d'acide dans le sang. Le céleri, notamment en bouillon, possède une action alcalinisante et reminéralisante semblable à celle de l'oignon. Il neutralise l'excès d'acide dans le sang et facilite l'élimination des acides métaboliques à travers l'urine. En cas aussi d'hypertension, le céleri contient assez de sodium, environ 97 microgrammes par 100 grammes, ce qui permet l'élaboration de sel de céleri. Malgré tout, il possède un effet hypotensiel grâce à l'effet vasodilatateur de son huile essentielle et d'une substance appelée 3-butylbutyralide ainsi qu'à son action diurétique. Sa consommation est donc conseillée aux hypertendus. Ce chercheur nutritionniste précise que le céleri réduit le cholestérol et signale que le céleri est bien conseillé pour les diabétiques. En cas aussi d'excès de cholestérol, ils font aussi faire recours au céleri. Comme l'université de Singapour a réalisé une expérience intéressante pour démontrer que le céleri est capable de réduire le niveau de cholestérol dans le sang, et un bon légume pour réduire le niveau de cholestérol dans le sang. En cas aussi de diabète, le céleri contient des petites quantités de glycoquinine, une substance possédant une action similaire à celle de l'insuline qui réduit le niveau de sucre dans le sang. Ainsi bien que le céleri contient une quantité modérée d'hydrate de carbone, il est très indiqué en cas de diabète. Ce légume permet aussi de prévenir les causes de l'acné et améliore la qualité de la peau. Cas aussi de psoriasis. Le psoriasis, c'est une maladie qui se localise sur la peau. Le céleri contient des psoralènes, des substances, en fait, c'est une substance qui peuvent produire chez les personnes sujettes à cette maladie une sensibilité de la peau à la lumière du soleil. Ces substances exercent un effet protecteur sur la peau en cas de psoriasis, une maladie difficile à traiter qui se caractérise par l'apparition, qui est caractérisée par l'apparition des plaques rouges. Vous verrez des personnes qui présentent des taches rougeâtres comme ça, la squamation de la peau. Le céleri provient de la péninsule italienne. Même au Burundi, ce légume est bien cultivé. Merci à Jean-Marie Mayonga et à Jean-Paul Louineza pour cette chronique. Et c'est par là que ce journal prend fin. Merci à ceux et celles qui l'ont suivi avec intérêt. À la présentation d'Ora Ebengabile, Eric Wiman assurait la mise en onde. Bonne soirée à vous.